de la nuit j'ai fait de cauchemars. Je tends la main au ciel pour pleurer la mamaea, la fille du soleil, femme de mes rêves. Je saute le matin de mon lit, je pense à mamaea. Toute la nuit j'ai fait de cauchemars. Je tends la main au ciel pour pleurer la mamaea, la fille du soleil, femme de mes rêves. Maea Pingisa, Mamaea Pingisa, fais-moi pleurer les sengoe Kingisa, fais-moi pleurer la bolingo Kingisa. Maea Pingisa, Mamaea Pingisa. Que tu m'as quitté, je crève au mamaea. C'est comme tu m'as mis dans un cabanon. Autant que tu m'as aimé, autant que tu me détestes, je perds la tête pour ça mon amour. Autant que tu m'as donné, autant que tu me reprends tout, je sens ce moment la fin de ma vie. Maea Kingisa, Mamaea Kingisa, fais-moi pleurer les sengoe Kingisa, fais-moi pleurer la bolingo Kingisa. Maea Kingisa, Mamaea Kingisa. refuse. Ya ya oh. Tu as été pour moi un paradis. Ya ya oh. Tu m'as rendu fou pour ton charme. Ya ya oh. Reviens, reviens, oh Maya. Ya ya oh. Reviens, reviens, oh mon amour. Ya ya oh. Maria Kingisa. Ya ya oh. Mama ya Tongosa. Ya ya oh. Fais-moi pleurer le bolingo Kingisa. Tu m'as rendu fou, oh Maya. Tu m'as repris tout, oh Maya. Ah Maya, je ne pouvais jamais croire un instant que tu m'aies vraiment abandonné. Tu m'as repris tout, tout le charme, ta beauté, ton vouloir, ton amour. Tu m'as laissé seul, seul, avec l'univers. Mais Maya, je ne mourrai pas, j'ai encore de l'espoir. Je t'aime, je t'aimerai. Mon amour, ya ya oh. Reviens, reviens, toi Maya, ya ya oh. Maya Tongosa, ya ya oh. Maya Kingisa, ya ya oh. Fais-moi pleurer les Senoye Kingisa, ya ya oh. Fais-moi pleurer la Bolingoye, ya ya oh. Tu m'as rendu fou, oh Maya, ya ya oh. Tu m'as repris tout le bonheur, ya ya oh.